Ça va aussi vite que mon petit train en dessous de l'arbre de Noël. Le sang des mammifères est toujours rouge, alors que le sang des insectes est jaune et le sang des homards est bleu. OK. Oh! Tu vois, ça, pour les insectes, je ne savais pas. Puis c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça blobster. Blobster. Blobster. Et je la trouvais bonne dans ma tête, là. 8 ans, 9, si tu veux. Là, non. Kimokawai. C'est du slang japonais pour quelque chose qui est révoltant, mais attirant en même temps. Kimokawai. OK. C'est cute, hein? Kimokawai. Attirant, puis... Ouais. Et révoltant. Ouais. Repoussant. Le croquet a été enlevé comme sport olympique après les Jeux de 1900 parce que seulement un spectateur est venu regarder le match de croquet. Puis c'était le père d'un gars qui était c'est là. C'est ça. Oh. T'imagines-tu, les joueurs avaient même pas d'amis. Genre. Même pas. Même pas un, tu sais, comme faire ou une blonde, tu sais, faire comme ben, tu vas-tu venir me voir jouer? Non. C'est pathétique. Je m'en fous. Oh. C'est comme, c'est juste avant. C'est répugnant et attirant. Oui, en même temps. Kawaii. Oui. l'adulte mâle. L'homme moyen, donc, va faire pousser une livre de poils dans son visage par 10 ans. OK. En 10 ans. En 10 ans, ciseaux! Sting, oui. Comme une abeille, Sting, le chanteur, bref, artiste, a eu son nom à cause d'un chandail à bandes jaunes et noires qu'il portait dans ses spectacles et ailleurs jusqu'à temps que... Ils finissent par briser, se déchirer, se désintégrer, si on veut. C'est bien. Sting. C'est drôle quand même. La peau est à son plus épais, OK? C'est dans le dos, à un sixième de pouce. Ouais, c'est ça. Sur le dos, un sixième de pouce d'épaisseur, la peau. Ah ben. C'est là qu'elle est la plus épaisse. Ouais. C'est tout. Colin, ça finissait là-dessus. Sur un bout de peau? Ouais, un bout de peau épaisse. Un bout de peau épaisse? Ouais. Eh ben. Comme Sting. Parfait. La peau épaisse. Oui. Parce qu'on le critique tout le temps, il faut bien qu'il y ait une peau épaisse. Une carapace. Voilà pour cet effet. C'est tout. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Pour Noël, offrez l'air de mon cul. Vous avez bien compris, pour Noël, offrez l'air de mon cul. Et c'est vrai, c'est pas juste une joke. Si vous verriez la pochette aussi, c'est drôle, on dirait des fesses avec des petits boutons puis le petit dessin de la commune. Et il est écrit « Mise en boîte à mon cul ». Et je vous explique, mon cul, M-O-N-T-C-U-Q, oui, c'est les boîtes renfermant l'air du célèbre village raillé par Daniel Prévost qui se vendent par centaines. Un poil souple ponctué de 3 grains suspects en guise de logo. C'est exactement ça. L'air de mon cul mis en boîte est commercialisé par Antoine Deblé, un étudiant en communication de 21 ans, se vend par centaines de conserves. Ce charmant bourre d'un millier d'âmes est devenu célèbre après le désopilant passage de Daniel Prévost dans la commune du Lot en reportage pour le petit rapporteur de Jacques Martin. Interrogé par le businessinsider.com, Antoine Deblé indique avoir reçu 1000 commandes de son produit en 3 semaines. Chaque boîte de 250 millilitres d'air de mon cul, conditionné à mon cul, garanti 100% bio, est vendu 5,50$, de quoi 5,50$ l'euro, de quoi dégager 60% de marge de profit selon l'entrepreneur facétieux. Pour réaliser son projet, il a organisé une levée de fonds sur la plateforme de crowdfunding KissKiss Bank Bank et il a récolté ainsi 1 millier d'euros en quelques mois. Antoine Deblé ajoute sur son site « Care de mon cul est idéal quand vous êtes en manque d'inspiration créative. Attention, contenu irremplaçable, consommable qu'une seule fois. L'un des heureux acheteurs ne boude pas son plaisir à la réception du colis et s'épanche dans la zone commentaire de la page Kiss Kiss Bang Bang. Je brûle d'envie de l'ouvrir et de déguster l'air pur de mon cul, mais je pense que je laisserai ce plaisir à quelqu'un d'autre qui la découvrira peut-être au fin fond d'un grenier d'ici quelques générations. On peut rêver. Après cette initiative poilante et de nouveaux projets absurdes pourraient voir le jour, à quand les marques déposées de saucisses pour la commune des Deux Verges ou de préservatifs pour la commune de Condon? Vraiment, très très bonne idée. Et puis, je pense que l'idée est là. Il reste juste à des habitants de ce coin-là d'en faire de l'argent. Hein? Alors, si vous voulez pour Noël, offrez-vous l'air de mon cul. 5,50$ la canne. Hein? Toujours dans l'aussi inutile, bien intéressant de voir. Ici, c'est la MDMA. La MDMA, peu connue sous le nom de l'ecstasy, on peut dire, eh bien, serait bientôt prescrite sous ordonnance. Pareillement au cannabis, aujourd'hui prisé pour ses qualités thérapeutiques, la MDMA pourrait, à l'horizon de la décennie 2020, être considérée comme un médicament décryptage, du retour en grâce de l'ecstasy. Donc, molécule aujourd'hui classée parmi les drogues et très appréciée par les fêtards, la MDMA pourrait débarquer dans les pharmacies et étant prescrite pour sa capacité à soulager différentes affections psychiatriques. Selon le site mixmag.net, les chercheurs et les experts du MAPS, l'Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, constatent que la MDMA possède en effet des vertus bénéfiques. Elle aide par exemple les personnes bouchées par le syndrome de stress post-traumatique que peut déclarer certains soldats en retour d'un conflit. Le MAP, un ONG créé par Rick Doblin, travaille depuis plus de deux décennies sur le sujet. Amy Emerson, directeur des recherches cliniques au sein du MAP, utilise la MDMA dans le cadre de psychothérapie et devrait passer à la phase 3 de ses recherches. En bout de course, en 2021, la Food and Drug Administration et l'Agence européenne des médicaments décideront si la molécule peut être ou non prescrite à des patients par le corps médical. Le retour en grâce de la MDMA n'est pas une nouveauté. Comme l'explique Myriam Joseph dans son livre Ecstasy, la substance synthétisée pour la première fois en 1912 par des chimistes des laboratoires Merck & Co. a été redécouverte par Alexander Shulgin en 65 et ensuite utilisée à la fin des années 70 sous l'impulsion du psychologue Leo Zoff dans le cadre de psychothérapie. Mais victime de son succès, la MDMA fut par la suite considérée comme une drogue interdite par les autorités dans les années 80. Elle entame dès lors la carrière festive qu'on lui connaît toujours. Aujourd'hui, de plus en plus de stupéfiants comme le LSD, le GHB sont revisités par les scientifiques qui cherchent à vérifier leur qualité thérapeutique. Et puis, c'est pour le bien de l'humanité, c'est la connaissance. Bien, bien intéressant, cette étude. Il est 12h47. On s'en va vers d'autres nouvelles. On y va avec, ici, des gens qui se disaient, des escrocs qui se disaient douaniers suisses. Ainsi, volent leurs victimes. L'Internet connaît une nouvelle vague d'escroquerie. Ce sont des Ivoiriens qui se disent douaniers suisses et volent leurs victimes. L'arnaque débute toujours par une histoire de cœur sur Internet. Un malfrat, basé en Côte d'Ivoire, séduit alors une femme en mal d'amour domiciliée en Suisse. Je voulais dire quelque chose, mais je le dirai pas. Il lui fait ensuite croire que la douane suisse lui a confisqué plusieurs milliers d'euros et il explique, c'est ça. Pour récupérer cette somme, il argue qu'il doit s'acquitter des frais d'administration liés à l'enquête que l'AFD aurait ouverte à la confiscation et lui demande alors de l'aider à payer les coûts à sa place. À cette fin, il lui fait parvenir un mail, un faux certificat d'administration de douane, soi-disant estampillé et signé par un collaborateur de l'AFD. Le document est rédigé en français approximatif. Imaginez, même le contrat n'est pas fiable. Moi, c'est ceux qui se font avoir qui sont magnifiques. C'est des génies. L'escroquerie porte donc sur des montants allant de 1 500 à 2 000 francs suisses. Arnaquée à plusieurs reprises, une habitante de la région genevoise, en manque de sexe, elle voulait avoir un petit Ivoirien. Ça, c'est moi qui rajoute, mais c'est clair que c'est ça, là. Elle s'est déjà fait dérober plus de 50 000 francs. Cela peut paraître invraisemblable, mais ces voleurs jouent beaucoup avec les sentiments de leurs victimes. Et lorsque vous êtes dans une mauvaise passe amoureuse, vous êtes plus vulnérable. En tout cas, je dirais pas ce que je pense de ces genres de dames-là. Et la plupart du temps, d'après moi, ça doit être des femmes. Mais bon, je veux pas encore là, je m'en vais pas sur ce terrain glissant. Nous voulons donc rendre plus attentifs au fait que... Désolé, mon problème, vous l'entendez. Nous voulons donc rendre plus attentifs au fait que nous ne réclamons jamais de frais administratifs par mail. Nous le faisons toujours par courrier. Un courrier terrestre avec un timbre et un cachet officiel. En outre, les escrocs ivoiriens utilisent des adresses mail de type nom, prénom à gmail.com. Les collaborateurs de l'AFD ont, eux, des adresses se terminant par ezv.admin.ch. Si le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet et l'AFD ne disposent pas de chiffres répertoriant le nombre total de ces cas constatés dans toute la suite. Ils ne disposent pas. OK. Cette dernière ligne était de l'information inutile, tout à fait. Hein? Oui, bon. On va aller en musique. Non, on n'a pas vraiment le temps. On va finir ça ici. Tiens, aux États-Unis, l'université de Harvard évacuée pour une alerte à la bombe particulière. La police a reçu donc des informations non confirmées selon lesquelles des explosifs auraient été placés dans 4 bâtiments. Le Science Center, qui renferme le département de mathématiques, statistiques et histoire des sciences. Tyer, la résidence universitaire. Sever, classe de cours et d'études. Et Emerson, département de philosophie, indique que le site de l'université, s'il vous plaît, veuillez évacuer ces bâtiments maintenant, indique toujours le site. Par mesure de précaution, les bâtiments ont été évacués pour les besoins de l'enquête et la priorité de Harvard est la sécurité des étudiants, de ses facultés et bien sûr du personnel. La police de la ville de Cambridge s'est immédiatement rendue sur les lieux pour enquêter. Elle a été épaulée par l'unité de déminage de la police du Massachusetts. Une heure et demie après l'alerte, soit un peu avant 11 heures, la présence d'explosifs n'était toujours pas confirmée et la police indiquait sur le site n'avoir pas de raison de croire qu'il existait une menace réelle dans d'autres endroits sur le campus. Sam Weinstock, président du journal de l'université de Harvard Crimson, a indiqué sur la chaîne CNN que des examens prévus lundi avaient été annulés dans 3 des bâtiments concernés. Ah ah, ça peut être des blagues d'étudiants qui veulent que les examens soient remis, puis ça leur donne un délai un peu plus important. Peut-être, je dis ça comme ça, ça arrive. C'est jamais arrivé, hein, des étudiants qui n'étaient pas prêts ou tout à fait prêts à passer leur examen, c'est jamais arrivé, c'est sûr. Les étudiants donc qui ont quitté leur salle d'examen ont alors été rassemblés dans la salle des étudiants de première année où on leur a annoncé que les examens étaient annulés. Interrogé par CNN pour savoir s'il s'agissait d'un canular, M. Weinstock a répondu n'avoir aucune idée de la nature des appels ou de la nature de la menace. Fondée en 1636... Vraiment, ça fait vraiment longtemps. Harvard compte environ 21 000 étudiants. L'actuel président américain Barack Obama y a étudié le droit. Fin novembre, le campus d'une autre prestigieuse université américaine, celle de Yale dans le Nord-Est, a été fermé pendant une journée après qu'un homme armé eût été signalé sur le campus. Midi 52, on continue. On va aller parler de la Xbox One à 7 000 €. Hein? Assez particulier. Alors que les Xbox One sont en rupture de stock dans la plupart des magasins de grande distribution, eh bien, le magasin chic Harrods nous propose un modèle plaqué or de 24 carats pour une valeur de 6000 livres sterling. Juste 14 fois le prix de la console standard. Moi, je trouve pas que c'est tant que ça. Cette offre a été découverte par un utilisateur de Reddit qui a immédiatement posté une photo de la précieuse console sur le site. C'est le magasin de luxe Harrods, connu jusqu'alors pour ses articles de mode et de meubles coûteux, qui se met apparemment au gaming. À première vue, la console de Harrods n'a aucune différence concrète avec le modèle de base, si ce n'est l'habillage en or. À ce prix, elle n'est même pas vendue dans un bundle avec un jeu. Même pas de deuxième manette. Malheureusement, une seule photo a été publiée et nous ne savons pas si la manette et les autres périphériques ont eu le même ornement. Les magasins Harrods s'étaient déjà fait connaître pour la commercialisation de biens à grand public à des prix ridiculement excessifs. La chaîne avait en effet lancé un étui à iPhone incrusté de diamants pour 111 000 $ et un assortiment de chocolat en or et en cristaux de Swarovski pour 10 000 $ la boîte. Il n'est probablement pas judicieux de les manger. Il ne s'agit pas du premier modèle de console commercialisé auprès du grand public comme étant un article de luxe. Le site Computer Shopper, spécialisé dans la customisation de produits high-tech, a réalisé des produits similaires, notamment en 2009 avec la vente de consoles PlayStation 3 plaqué or et avec le logo de Sony en diamant. Ils ont également lancé le même type de produit pour la Xbox 360, le iPhone d'Apple et la manette Wiimote. Si leurs produits sont disponibles uniquement à la commande, on se demande bien qui peut se permettre d'acquérir de tels gadgets. Peut-être la reine d'Angleterre à qui le studio THQ avait offert une Wii plaquée en or en 2009 pour faire un coup publicitaire et avait essayé de redorer sa marque. Opération marketing réussie puisque la presse avait rapporté qu'Elisabeth adorait la console et qu'elle avait un don naturel pour le bowling sur la Wii. Hein? Pourquoi pas? Moi, j'y aurais à faire un bon GTA 5 à la madame. Et oui, on s'en va rapidement. C'est une exposition sur des objets confisqués à l'école. Les enfants et les adolescents ne manquent pas d'imagination et aiment amener à l'école des choses qui ne sont pas tout à fait à leur juste place. Une exposition dévoile leur étonnant potentiel, pouvant parfois faire froid dans le dos. On a trouvé des vraies armes. On a trouvé des haches faites homemade. on a trouvé des bouteilles d'alcool. Et ça, c'est souvent dans des écoles primaires. Là. On a des menottes, des couteaux, des lance-pierres à plusieurs reprises, des boomerangs, des matraques. On a des objets qui sont particulièrement spéciaux pour les demoiselles. On n'en donnera pas trop de bout de d'ail. Plusieurs petites figurines d'action pour les jeunes garçons, là, genre figurines de Star Wars, etc. Plusieurs jouets, bien sûr. Des fusils à eau aussi. Ça ne manque pas. Donc, il y a beaucoup de trucs. Allez voir les objets. Là, il y en a toute une description. Pardon, j'ai vraiment de la misère. Je suis vraiment pogné dans mon pain. Vous devez l'entendre, c'est atroce. On va se laisser tantôt en musique dans quelques secondes avec la formation Mimi Van Der Glo. Mais d'abord, je vous envoie cette dernière article. C'est l'ex-ministre des Transports qui roulait avec de fausses plaques en Grèce. Un ancien ministre grec des Transports et ancien cadre du Parti conservateur au pouvoir a été arrêté mardi au volant d'un 4x4 équipé de fausses plaques d'immatriculation lors d'un contrôle routier près d'Athènes. Selon les premiers éléments de l'enquête, Michaelis Liapis, avait rendu aux autorités les plaques originale de son véhicule pour une raison non précisée, mais comme l'ont fait de nombreux Grecs qui, depuis le début de la crise, ne peuvent plus payer les taxes liées à l'immatriculation d'un véhicule, l'ancien ministre conduisait et continuait cependant toujours à circuler avec son 4x4 équipé de fausses plaques. Il n'était pas non plus en possession de son permis de conduire. Hein? Ancien cadre du Parti conservateur. Et puis c'était le ministre des Transports, quand même, de la Nouvelle Démocratie. M. Liapis a été élu plusieurs fois député entre 1985 et 2007 et a occupé plusieurs postes ministériels. Il avait participé au gouvernement de son cousin Kostas Karamanlis de 2004 à 2009 et assuré pendant son premier mandat le portefeuille des transports de 2004 à 2007, puis celui de la culture de 2007 à 2009. Lors de la défaite de la Nouvelle Démocratie aux élections de 2009, battu par le socialiste PASOK sur un fond du début de la crise de la dette. Antonia Samaras, rivale de M. Karamanlis au sein du parti, avait repris les rênes. 3 ans plus tard, la Nouvelle Démocratie avait remporté les législatives de 2012 en juin et M. Samsara dirige actuellement le gouvernement de coalition avec la gauche. Quand même assez particulier, un ministre des Transports qui roule avec pas de permis et des fausses plaques. Ça va vraiment mal en Grèce. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Maintenant, voici les instructions d'assemblage. Remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Tout, tout, tout. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais... Oh. Ah, boum, boum, boum! Je me suis dit, OK, je vais l'avoir sur le temps, cette fois-ci. Veux-tu reculer un peu? Je recule un peu, OK. Hein? Avec la clé numéro 17, recommençons. Ouais. Oui, mais... Ah non, J'abandonne. C'est bon. J'abdique. Donc, la chronique, les instructions d'assemblage, c'est trop de syllabes pour moi quand même, mais c'est la chronique où on vous présente des trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. C'est pas TVA qui va vous dire ça. Nous, on est là pour ça. Oui. Vous dire des vraies choses. Une mission de service. Oui. Assemblage requis. quand t'es en chicane avec quelqu'un, fais comme si t'étais en train d'être enregistré. Ça va t'empêcher de dire quelque chose de stupide que tu penses pas. Tu fais comme si l'autre personne t'enregistrait, tu sais. Avec son iPhone. Oui, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Si tu n'as que de la bonne nourriture dans ton réfrigérateur, hein, tu vas seulement manger de la bonne nourriture. Ouais. Hein? Est-ce que tu fais des liens ici? T'as pas le choix. Remplis ton réfrigérateur de bonne nourriture. Ouais, mais là, des fois... Faut se gâter, mais oui. Peut-être des affaires en congélateur, comme ça, tu vas être obligé de le faire dégeler. T'sais. Oui, oui, c'est ça. Genre des croquettes de poulet, des affaires de même. Arrête! Des pogo! Pogo! Si ton horaire de sommeil est tout un petit peu déboussolé, passe, si tu peux, une journée au soleil. Hein? Parce que ça va te resetter. OK. Et quand ça va être le moment d'aller te coucher, tu vas comme être super fatigué à cause du soleil.

Ben oui, mais c'est le fun. Je suis allé voir, en passant, l'effet Cool Painting. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très beau. Des petites stries. Ouais, mais ça fait un look un peu vieillot. Ouais. Mais c'est, eux, ils ont utilisé une peinture mauve. Ouais. C'est très beau. Je le ferai sur du... une belle image à mettre sur Pinterest. Du gris. Du noir. Pinterest. J'ai Pinterest. Pinterest. Oui, hey, c'est super, hein? Instagram, hein? Ouais. Pinterest. C'est tellement féminin, hein? L'utilité de Pinterest, hein? Faire rêver les filles puis faire des affaires aux gars. Ah! Tout le monde gagne! Oui, c'est ça! Tu veux qu'on s'en parle? Non, merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Mobile et de Lego qu'on pourra bientôt imprimer à partir de chez nous. Hein, pour beaucoup de makers, ceux qui fabriquent, eh bien, le fantasme fondateur est l'impression à domicile de montagne de Lego. En plastique, une forme simple, la brique, du constructeur. Danois semble prédisposé à devenir le blockbuster de l'impression 3D, cette technique de fabrication digitale d'objets physiques. Alors que les prix des machines d'impression grand public s'effondrent, eh bien Lego aborde pour l'instant avec sérénité la révolution qui s'annonce. Nous accueillons volontiers toute concurrence loyale, assure la direction qui place sa confiance dans la qualité de ses produits. Même son cloche du côté du cousin allemand Playmobil qui assure que la construction de ses figurines ne peut pas être copiée en raison de la complexité de l'assemblage. La sérénité de l'inventeur des fameuses coupes de cheveux au carré se trouve pourtant quand on aborde l'existence de modèles de Playmobil dessinés par des passionnés sur des plateformes gratuites bien connues des makers. La production de figurines ou d'accessoires Playmobil à l'aide d'impression 3D constituerait, sauf exception, une atteinte à nos droits. Et puis ça me fait penser, hier je me promenais en voiture et puis j'écoutais Radio-Canada et on parlait de ces fameuses imprimantes 3D. Vous savez ce qui est arrivé avec l'industrie de la musique, hein? Quand les gens se sont mis à pouvoir faire des copies de très haute qualité à partir d'ordinateurs, des copies numériques bien sûr. Eh bien, là maintenant, l'industrie va... Comment va faire face l'industrie à aux gens qui vont pouvoir maintenant désormais se construire à peu près tout chez eux? Que ce soit une spatule pour tourner les œufs, que ce soit tous les petits produits en plastique, on va pouvoir télécharger des genres de PDF sur Internet et puis on va pouvoir le produire dans notre maison tout de suite à la pièce. Comment on va faire pour arriver dans ce monde-là où tout le monde va vouloir devenir finalement manufacturier? C'est comme aujourd'hui, tout le monde est devenu photographe, tout le monde est rendu musicien parce qu'on a un ordinateur. C'est un problème qui va se poser, qui est assez important, je pense. Je pense que l'industrie va vraiment avoir besoin de faire quelque chose avec ça. En tout cas, hein, justement, on nous parle de la sérénité de l'inventeur des fameuses coupes de cheveux au carré. Ce trouble, pourtant, quand on aborde l'existence de modèles de Playmobil, justement, qui existent. Hein. C'est également cette crainte qui conduit, pour l'instant, la firme allemande à refuser de proposer la vente de modèles de ses créations, comme le préconisent certains experts du secteur. Il est hors de question que nous fournissions nos fichiers pour rendre possible une copie en masse, explique le département de développement. Et c'est compréhensible. Eux, ils ont payé pour réussir à développer un produit d'une certaine qualité. Et puis là, ben ils n'auront pas donné les modèles puis les patrons sur Internet qu'après, toi, tu vas rentrer dans ton imprimante 3D puis tu vas te faire la même bébelle. C'est assez particulier. La situation de chez Lego est quelque peu différente. Entre 1988 et 2011, les principaux brevets de ces fameuses briques sont tombés un à un dans le domaine public. Si cela n'a pas empêché l'entreprise danoise de multiplier les procès, elle garde pour l'instant une certaine tolérance à l'égard des modèles 3D qui circulent sur le net en raison de la fragilité de son copyright. Notre priorité est de permettre aux clients de distinguer l'original de la copie, explique l'entreprise qui concentre ses efforts sur l'intégrité de sa marque ainsi que de son logo. Pour les Legoptimists, l'extrême précision du processus de production de l'entreprise danoise la distinguera encore longtemps des modèles imprimés en 3D, actuellement très limitée à une précision de 50 fois inférieure, comme elle l'a protégé des multiples concurrents à l'arrivée du marché depuis l'expiration de ses brevets. Si l'activité de Lego se résumait à la fabrication de briques en plastique, ils auraient dû être remportés par les imitateurs depuis longtemps, écrit le blogueur Paul McManara sur Network World. Lego vend une expérience totale, une variété incroyable de briques dans une gamme de couleurs qui semble infinie, emballées dans un packaging complet avec des franchises célèbres comme Star Wars, Harry Potter, etc. Ces objections n'ont donc pas empêché le YouTuber technophile Barnacules Nergasm de montrer en juillet à près de 100 000 internautes comment imprimer des briques compatibles avec les Lego à partir d'un modèle librement disponible sur la plateforme Thingiverse. Principale plus-value avancée par les adeptes de la technique, la possibilité d'imprimer des briques personnalisées que Lego ne commercialisera jamais. L'impression 3D porte également sur une autre menace sérieuse pour l'hégémonie de la marque de la brique, l'interopérabilité. En 2012, un hacker américain et son fils ont mis en ligne le Universal Construction Kit, un catalogue de briques rendant compatibles 10 marques de construction inconcurrentes. Ça, je trouve ça génial par contre. Ça, c'est vraiment hallucinant. C'est l'interopérabilité. Donc, ce hacker avec son fils a mis en ligne le Universal Construction Kit. Excellent catalogue, justement, qui dans le fond, c'est des adaptateurs de briques. Hein. En imprimant donc ces pièces, il est donc désormais possible de connecter Lego avec Duplo, avec Kinex et plein d'autres, de quoi fragiliser l'avantage comparatif acquis par Lego pendant son demi-siècle de monopole. Ben moi, je vous le prédis déjà, immédiatement. Il y aura des problèmes dans l'industrie à cause des imprimantes 3D. C'est clair et net et c'est on n'a pas le choix. On va arriver là. Parce que là, désormais, les gens vont pouvoir construire leur petit gugus chez eux pour beaucoup moins cher. Ça va être juste la matière plastique, finalement, à payer. En tout cas, faites-vous votre idée. C'est un sujet qui est loin d'être terminé. Toujours dans la consommation, eh bien, pourquoi pas se faire un petit retour ici sur la Xbox One et la PS4 qui a réussi son meilleur démarrage. Attendu depuis plusieurs années, la Xbox One et la PlayStation 4 sont enfin sortis depuis quelques temps, quelques semaines, je dirais quelques mois. Leurs lancements respectifs ont créé l'événement dans le monde entier grâce notamment à des campagnes de promotion savamment orchestrées. Celles-ci ont-elles porté leurs fruits? Eh bien, quelques semaines après la sortie officielle de ces deux consoles, les premiers chiffres de vente sont disponibles et permettent ainsi de faire une première idée sur leurs succès respectifs. Selon Nitro News, Microsoft a ainsi dévoilé un chiffre de 2 millions de Xbox One vendus à travers le monde en 18 jours, soit un chiffre largement inférieur à celui annoncé il y a 10 jours par Sony pour la PS4, sortie un peu plus tôt que sa concurrente. La firme japonaise avait en effet assuré avoir vendu 2,1 millions de PlayStation 4. Les chiffres de vente aux États-Unis publiés par l'Institut NPD et relayés par jeuxvideo.com corroborent cette légère avance de la PlayStation 4 sur la Xbox One en termes de vente. Au pays de l'Oncle Sam, 1 140 000 PS4 ont été vendus, tandis que chez Microsoft, la console s'est écoulée à 909 000 exemplaires. Là encore, la date de sortie a pu jouer entre l'écart observé, puisque Sony a sorti sa nouvelle console une semaine avant son concurrent Microsoft. Pour l'heure, donc, difficile d'affirmer qu'une des deux consoles a pris l'avantage sur l'autre. En termes de vente, dans les deux cas, le premier rush commercial a été réussi, mais pour la période des fêtes, eh bien, ça devrait être plus décisif. On va voir vraiment quelle va se positionner en avant de l'autre. Il n'y a finalement qu'un seul perdant dans cette guerre entre Microsoft et Sony, et c'est chez Nintendo. Le troisième éditeur mondial majeur de consoles de jeux vidéo est complètement éclipsé par les phénomènes Xbox One et PlayStation 4. C'est normal parce que chez Nintendo, eh bien, on ne suit pas la courbe technologique. Chez Nintendo, c'est merveilleux. La façon de penser est extraordinaire, mais les performances graphiques, les franchises de jeux qui sont vraiment courues, ben, sont souvent pas disponibles chez Nintendo. C'est ce qui peut expliquer la patente. Ah, ben oui. Et puis tiens, cette nouvelle, je vous en parle depuis le début de l'émission, et c'est là, c'est le temps. C'est le con du jour, ça c'est officiel, il gagne le con de la semaine même aussi. C'est ce médecin chirurgien plastique qui, pour les 18 ans de sa fille, lui a offert de nouveaux seins. Ben, il lui a fait des seins, finalement. Hein? Un père rempli de délicates intentions pour sa progéniture, le Dr. Michael Nicol, chirurgien plastique de la Californie, met régulièrement son savoir-faire au service de ses filles. Donc, ce chirurgien esthétique peut-il exercer des interventions sur ses propres filles? Cette question inhabituelle défraie la chronique outre-Atlantique. Bien sûr, nous, c'est pas outre-Atlantique, là. Défraie la chronique. Depuis les révélations des pratiques d'un des praticiens réputés en Californie, c'est le docteur Michael Nicol, praticien réputé, donc, qui en effet a fait de nouveau parler de lui pour avoir pratiqué une intervention sur la poitrine de sa fille Charm. OK. Mais pourquoi 18 ans? Ça, pour les 18 ans, puis après, il dit 25 ans. Responsable du marketing dans la région de Los Angeles, celle-ci peut désormais aborder ses nouveaux bonnets C au lieu de ses bonnets B. Hein? Ben oui. Aïe, seins, nez et nombril, ce n'est pas la première fois que le chirurgien s'occupe de sa descendance. Les seins de Brittany, la sœur de Charm, avaient été soumis déjà à son scalpel lorsqu'elle avait que 18 ans. OK? Et à 21 ans, elle lui avait fait rectifier le profil de son nez aussi. Quant à Charm, la plus récemment opérée, son père avait déjà corrigé son nombril alors qu'elle n'avait que 10 ans. Autant d'opérations qui, mises bout à bout, ont suscité un certain malaise dans l'opinion. Imaginez, le père refait le nombril de sa fille à 10 ans. Elle n'est même pas formée encore, là. Pour autant, les jeunes femmes qui ont été adoptées par le plasticien lorsqu'elles étaient bébés semblent très à l'aise avec ses interventions. Je les cite, « Mon père est le meilleur dans sa spécialité et je sais que je suis, entre autres, entre bonnes mains. » C'est ce qu'a confié Charm au Mirror. « Quand je vois tous les gens qui ont recours à la chirurgie esthétique dans la région où j'habite, je me dis qu'il n'y a pas à en faire toute une histoire. » Et elle souligne que l'intervention mammaire qu'elle a subie a changé sa vie. « Depuis que j'ai subi cette opération, hein, eh bien, mes amis disent que j'ai l'air en pleine forme. Elle est pleine, pleine de forme. » Se félicite la jeune femme. Bravo. Pour lui, un sein, c'est un objet comme un stylo pour Michael Nicol. Signe des vertus prêtées par Charm et Brittany aux interventions de ce type, elles fréquentent assidûment la clinique où travaille leur papa pour y travailler leur peau et anticiper le combat contre les stigmates de l'âge, le peeling et les injections de Botox. Vous irez voir les photos des filles, elles sont laides à souhait. Donc, ça fait partie de leur quotidien, les injections de Botox. Ils ont genre 25 ans, les filles. Bonne idée. À ceux qui verraient dans ces relations chirurgicales une dimension malsaine, Brittany rétorque deux arguments choc. Le premier, il m'a vu toute nue depuis que je suis bébé, donc celui-là lui est égal. Et le second, il voit des milliers de seins chaque année. Pour lui, un sein, c'est un objet aussi inutile qu'un stylo. Pas inutile, il n'est pas écrit inutile, là, mais c'est comme un stylo. Ouais. En tout cas, faites-vous votre idée. Moi, j'ai mon idée qui est faite du Dr. Michael Nicol qui gagne le prix du plus con de la journée. C'est le con du jour. C'est le con du jour. C'est clair. Sinon, ben là, je commence à avoir le goût d'aller vers de la musique, mais je pense qu'on va se faire quelques nouvelles et ensuite on va se quitter en musique pour laisser place aux précieuses ridicules qui s'en viennent dans quelques instants. Restons dans la chirurgie esthétique. C'est une vidéo que je vous invite à aller voir. C'est justement la transformation hallucinante de deux jeunes coréennes. Venu participer à l'émission de la télévision coréenne Let's Beauty, ces deux jeunes femmes, également sœurs jumelles dans la vie, ont eu l'honneur de passer entre les mains d'un brillant chirurgien qui a réussi entièrement à remodeler leur apparence physique. Insatisfaites par leur enveloppe, les deux jeunes sud-coréennes ont donc dont les identités n'ont pas été divulguées au cours de l'émission, ont été ainsi confiées à un expert de la chirurgie esthétique qui s'est occupé de les transformer de la tête aux pieds de manière radicale. Et pour du changement, il y en a eu menton, joue, nez, dentition, forme du visage, agrandissement des paupières, tout ou presque entièrement a été modifié sur le visage de ces deux jumelles. Qui, à la fin, sont parvenus à totalement changer d'apparence. Destinée à transformer l'apparence des gens afin de les aider à se sentir mieux dans leur peau, l'émission Let Beauty a une fois de plus réussi sa mission en métamorphosant ces deux jeunes femmes pour en faire de véritables poupées vivantes. Bravo! Selon le site Jezebel, une femme sur cinq aurait déjà eu recours à la chirurgie à Séoul. Un chiffre énorme en comparaison avec les États-Unis où une femme sur 20 aurait eu recours à la chirurgie pour améliorer son apparence. Une pratique qui concernerait en premier lieu les femmes, bien que celle-ci a tendance à plus s'adresser justement à la gente masculine, les opérations chirurgicales. Influencée par les stars de la K-pop, Les Coréens plébiscitent tout particulièrement l'opération des yeux consistant à débrider les paupières afin de les faire davantage ressembler à celles des individus occidentaux. On appelle les opérations réalisées sur les yeux et les nez des basiques, résume une Sud-Coréenne interrogée par Vice. Je ne pense pas avoir une seule amie qui n'a pas réalisé ce type de procédure. Des opérations lourdes et souvent très coûteuses dont les dérives et les abus peuvent entraîner certains patients également à de graves problèmes. « Ma bouche se déplace vers la gauche et la zone maxillaire est engourdie », raconte une autre patiente sur un forum médical après avoir subi une reconstruction de la mâchoire. « Je ne sens pas quand la salive coule », explique-t-elle. Fait que tu peux te rendre, tu commences à baver et tu t'en rends pas compte. Cette opération a été inventée pour corriger une déformation dentaire, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de se faire opérer pour améliorer son apparence dans un pays comme la Corée du Sud. Surtout pour les femmes, la beauté prime sur tout le reste, c'est ce qu'a expliqué un médecin membre de la Société coréenne de chirurgie plastique et réparatrice. Hein? Particulier, vraiment très particulier. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Mouvement de va-et-vient. Ah oui. Mouvement de va-et-vient. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qui fait un mouvement de va-et-vient? Porn star? Une porn stache. Une porn stache. Entre deux porn lèvres. Oui. C'est Kinky Sexy Time, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti, dépendant de votre niveau de tolérance pour les choses un petit peu plus osées. Kinky. Kinky. Commençons avec une compagnie à Los Angeles qui fournit des spécialistes du câlin. Ah? Hein? Ils peuvent venir chez vous à la maison et vous câliner. OK. C'est cute, hein? Oui, quand même. C'est très cute. Un petit peu trop cute. Oui. Je trouve. Dépendant qui se présente. Oui. Les femmes achètent combien de pourcentage des condoms qui sont vendus? Les femmes? Ouais. Oh! Oh, hein? C'est pas facile, là, sur sa pause, là, t'sais. 43. Petit, hein? 4 sur 10, 40%, 43, c'est pas mal proche, hein? Wow! Bravo, 40% environ des femmes achètent les condoms qu'on vend dans les magasins. Bravo. Partout dans le monde, quel pourcentage de gens disent avoir eu seulement un partenaire sexuel dans sa vie? Partout dans le monde? Partout dans le monde. 27. T'es proche encore, 35%. Si la tendance se maintient. T'as le nez froid, intense, oui. Mais aussi. Bien développé. Oui, c'est ça. Tu sais, un autre pourcentage d'hommes et de femmes qui utilisent régulièrement de la pornographie et qui se sentent plus ces gens-là donc se sentent plus confortables dans leur sexualité et ont plus d'attention envers les besoins sexuels de leurs partenaires. Donc, combien de pourcentages d'hommes et de femmes qui utilisent régulièrement de la porno se sentent comme ça? Moi, je dis 100%. Tout le monde dit que c'est à cause de ça. Ben, c'est ça. Non, mais c'est biaisé, ça. 40? Non, 60%, presque 58%. Ouais. Donc, des hommes et des femmes qui utilisent de la pornographie se sentent plus proches de leur partenaire et de leurs besoins sexuels. Ça, c'est quand ils se font pogner. Donc, 6 personnes sur 10 se font pogner. Un homme a 3 fois plus de chances d'avoir le numéro de téléphone d'une fille s'il a un chien pour la compagnie. Les femmes vont aller flatter le chien. Puis combien le chien, de plus? 3 fois plus de chances. 3 fois plus, quand même. Selon une étude. Tu as un petit chien lettre, là. Tu es vraiment tout dégueu, là. La chaîne à Jacques. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Est-ce que tu sais ce que c'est une daisy chain? Dans le terme sexuel kinky? Daisy chain, non. C'est un terme slang pour un acte sexuel qui a rapport avec 3 personnes ou plus qui performent ou reçoivent des relations orales avec l'un et l'autre simultanément. Ah, OK. Daisy chain, c'est la... C'est comme une chaîne de... Une chaîne. De Daisy. De Daisy. Ouais, OK. C'est ça. La fille qui s'appelle Daisy. Mm. Il se la passe. Faut absolument qu'il y ait une des personnes qui s'appelle Daisy là-dedans. Oh, c'est important. Faux. Tenir la main d'une personne pendant au moins 5 minutes peut t'aider à réduire les symptômes de la dépression de presque 60%. Non. Fort. Ben, je vais prêter ma main. Ah. Et garde l'autre pour demain. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'un coitus à mammalia? Coitus, donc coït. Okay, l'acte. Oui. Hein? L'acte. Bon, oui, ça va. N'ayons pas peur des mots. Puis après ça, quoi? A, avec un accent aigu sur le A. Oui, pas grave, aigu. Par à droite. A mammalia. Ça, c'est une tradition italienne. Ah oui? Oui. Que à chaque fois que tu fais l'acte, okay. Quand tu as fini, tu fais « Mamma mia! » Ça n'a rien à voir avec les boules de viande, donc. Non, les meatballs ne sont pas comprises. Ou c'est quand tu fais quelque chose avec une fille qui est dans ses règles, puis tu as de la sauce tomate partout. Non, on va pas là. Ces lagues-là sont pas faites. Non. Donc, coitus à mamma mia, c'est un acte sexuel qui a rapport avec la stimulation de l'engin masculin par la poitrine féminine. Ah! Les boules de viande! OK. Ensuite, marier quelqu'un qui compte. Ah, Mathieu! j'ai ri vraiment à délai là-dessus. Oui, vraiment. Le temps que mon cerveau fasse comme c'est vraiment ça qui se passe en ce moment. OK. 7h43. Oui. Merci. Donc, marier quelqu'un qui comprend ton besoin d'être seul une fois de temps en temps, parce que ces types de mariages-là ont tendance à durer plus longtemps quand la personne te comprend le fait que tu as besoin de temps seul. Oui. C'est une bonne affaire, ça. Temps seul, une fois de temps en temps. Temps seul. Pour aller faire ton 6 sur 10 de. De pornographie. C'est ça. Pour être plus proche encore. Oui. Ou aller te partir une marmite de sauce à spag. Qu'est-ce que le crush fetish? Crush. OK, ça c'est. Ça c'est quand. T'aimes ça de faire insérer une barre crush. Barre les foufounes. Crunch. OK, je pense qu'il y avait les bouteilles de liqueur pour crush, mais. Ah, c'est ça, c'est vrai. C'est quoi la barre de chocolat? C'est des. Crunch. Puis le jus, c'est? Crush. Puis là, toi, c'est? Crush. OK. Donc, c'est pétillant, hein, ça? Oui, c'est pétillant. OK. Ben, tu shake the bottle. Puis après ça, puis tu l'ouvres. Là, on parle plus d'argent masculin. Non, je suis dans le féminin. C'est pas se brasser l'argent masculin. Je suis dans le féminin. OK, excuse. Okay. Non, c'est pas ça, étrangement. Ou dans les foufounes. Foufounes. Crush fetish, c'est une paraphilie, donc quelque chose de rare que les gens peuvent ressentir comme attirance, mais qui n'est pas particulièrement traditionnel. Normal. Ouais, c'est ça. Encore moins normal que les autres. J'essaie de le dire plus gentiment que ça, mais oui. Donc, c'est une paraphilie qui est le désir de voir d'autres personnes... piler dessus, genre sur des objets, piler, écraser des objets. Donc, le pied est souvent idolâtré. Est-ce qu'on dit idolâtré ou traité comme un idole dans ce fétiche-là? Donc, c'est de voir des gens, justement, appuyer ou avec leurs pieds sur des bouteilles ou des trucs comme ça. Je sais pas, piler sur une ampoule de vitre. Ou, wow! C'est crush fetish. Coitus reservatus. Hein, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'inverse. C'est... Non, attends, ça m'a... Donc, coït. Oui. L'acte de... OK. Reservatus. Ça, c'est quand tu prends l'engin masculin, okay. Puis tu ta mets en arrière pour faire semblant que t'es une fille. Ah, t'es comme réservé. Oui. C'est très bon. C'est bon, ça aurait pu aussi être de vouloir te mettre les petites pancartes réservées qu'à ces tables au restaurant. Oui, exactement. À quelque part. Réservé, oui. Ou appeler un restaurant et dire « je vais réserver un coït ». Un coït, s'il te plaît, vers 7h30. Numéro 3. Pour apporter, s'il te plaît. Donc, coïtus reservatus, c'est une forme de sexe où l'homme va essayer de rester à la phase un peu plateau de la relation pendant aussi longtemps que possible. Donc, genre, tu sais, t'as les préliminaires, bon, tu commences, là, t'as un plateau, et à un moment donné, tu vas aller à la période où c'est vraiment intense, puis là, tu vas à un moment donné te rendre droit au but, oui. Donc, c'est de rester sur le plateau le plus longtemps possible. OK. C'est coitus reservatus. C'est ça où t'es à l'hôtel, tu demandes un déjeuner au lit, ça vient sur un plateau, puis tu le fais sur le plateau. Wow! Puis là, t'essaies de rester là le plus longtemps possible. Sur le plateau. Sur le plateau. Ouais. Un sondage nous apprend qu'une femme sur cinq a arrêté une relation parce que leur partenaire était trop occupé à jouer à des jeux vidéo. Tu vois, coitus reservatus, son temps est réservé pour les jeux vidéo. Ouais. Chacun ses priorités. Hein. Le 12 septembre dernier, tous les 12 septembre, c'est la journée internationale de la conception. Non, pas internationale, nationale de la conception en Russie. Donc, c'est une fête, un jour de congé qui est donné au couple simplement pour qu'ils puissent avoir des relations sexuelles pour procréer. Ah ben. C'est le 12 septembre, la journée de la conception. Ouais. En Russie. Elle s'appelait Conception. Donc, le 12 septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin. L'été. Ça colle. Avoir des enfants le juin. Ça colle. Des petits June. June in the field. Peut-être. Genre. Au-dessus de 80% des gens restent silencieux, même quand ils veulent dire quelque chose, pour éviter une chicane avec quelqu'un qu'ils aiment. Ah. 80% des gens se retiennent et disent rien. c'est plus ou moins kinky, mais c'est dans un couple, donc c'est amoureux, c'est relationnel. Oui, oui. C'est pour ça que c'est là-dedans. le sildenafil citrate, est-ce que tu sais ce que c'est le sildenafil citrate ou citrate de sildenafil en français, j'imagine? Non, je sais pas. Non, ben, c'est le vrai nom des médicaments de dysfonction érectile comme le Viagra. Ah, ben tu vois. C'est ce qui est dedans. Ben, je sais pas ça, moi. Ben non, ben, pas de ça. Béton. Swing, béton. Pour éviter une infection urinaire, les physiciens recommandent de changer de sous-vêtements au moins une fois par jour. Oui. Au moins une fois par jour. Minimum. Ça, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un au moins là-dedans. Oui. Une fois par jour, c'est en masse. Oui. Ben, avant de se coucher. Avant de se coucher, puis une autre le lendemain matin. Oui. Deux fois plus de laveur. Moi. Prends pas ben, plus de place. C'est du sous-vêtement. Ben, c'est ça. Moi, c'est un petit filet. Un petit filet. Un petit filet. Moi, c'est juste une feuille d'arbre. Dans le Red Light District de Tokyo, il y a du karaoké nu. Ah! C'est très populaire, le karaoké nu. Imagine... Le karaoké nu. Karaoké nu. Ah, c'est mauvais. Ouais. Mais on a essayé. Ça pourrait rendre ça intéressant. Ben oui, peut-être. Il y aurait peut-être encore plus de monde les mardis. C'est ça. Ici. Dépendant de s'il y a des gens qui vont là qui sont. Non, en tout cas. Ouais, en tout cas. Ceux qui sont pas talentueux, mais qui changent. S'ils étaient tout nus, ce serait plus drôle. Ouais, ouais. Ouais, ça diversifie le tout. C'est ça. On va aller à Tokyo. Ouais. Quand t'embrasses quelqu'un avec passion, leur ADN va rester dans ta bouche pendant au moins une heure après. Une heure? Une heure. L'ADN. Fait qu'on va pouvoir dire ça à CSI. Ouais. Ils vont pouvoir nous passer un gros Q-tip dans la bouche. Zoom in. Oui. Améliore l'image. Zoom. Améliore l'image. Enlève les lunettes. Enlève les lunettes, oui. Ça fait toujours ça. Ils sont bons, hein. Les études nous apprennent que 75% que des lesbiennes sont grosses. Non, je voulais que tu caches ton café. 75% des lesbiennes sont grosses, selon une étude. Pour de vrai? Ben non, toi. Quelle étude bidon, sérieux. Comment peux-tu trouver cette étude-là crédible? Et comment peux-tu mentionner l'étude à la radio? Ouais, c'est ça. C'est aucunement crédible. 60... Non. Trois quarts. Calomnie! Calomnie! Ah non, non, non, non, non. Calomnie? Non, non, non. OK. Zoom in. Trop loin. Zoom in. Zoom in. Entre 0,4 et 6%, OK, entre 0,4% et 6% des femmes ont un sein en trop. Mais tu sais, qui n'est pas complètement développé souvent, ça va être juste un petit mamelon. Ah! Mamelon d'eau. On a déjà fait ça. Ouais. Mamelon d'eau. KSB! Ben, c'est spécial. Moi, j'ai jamais connu personne comme ça. Ah, t'as entre 0,4 et 6% des chances de la planète d'en trouver une. Que c'est apparent. Parce peut-être que la prochaine fois sera la bonne. C'est ça, ils l'ont pas dans le coup, là. T'sais. Mais non, c'est ça. C'est souvent pas ça joue non plus. Fait qu'il faut vraiment que tu le. En tout cas. Si c'est ça ton trip, bonne chance pour en trouver une. Ouais. Biochimiquement, être en amour est très similaire à avoir un cas de désordre obsessif compulsif. OK. Très similaire à ça, biochimiquement, donc dans le cerveau, lors de l'analyse, ça se ressemble pas mal, l'amour et l'obsessivité compulsive. Les femmes qui ont tendance à avoir des migraines ont aussi tendance à avoir une meilleure libido que celles qui n'ont pas de migraines. OK. Intéressant. Donc, encore une fois, c'est ton trip. Ouais. D'avoir une fille qui a beaucoup de libido. Regarde celle qui se pogne les tempes. Ouais, tout le temps. C'est ça. C'est ça. Aha! les femmes en Égypte, dans le temps, empêchaient, dans le fond, s'empêchaient de tomber enceinte avec des plugs. Pas bas de plug, mais l'autre bas plug. Ouais. Fait de défécation de crocodile. Ah, ben. Dans le trou d'en avant. C'est propre. Zoom in! qu'est-ce que la capnolagnie? Capnolagnie. Okay, capno. Ouais. Capno. Capitaine. Oui. Lagny. Capitaine Langevin. Capitaine Langevin. I can't cap, no. c'est un fétiche sexuel basé sur l'image ou le fond, regarder une femme qui fume. OK. Méchant trip encore, mais ça, ouais, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. La top modèle de Victoria's Secret, si on veut prononcer en anglais au complet, sinon tu choisis, c'est comme Jean H. Kruger. Oui. Moitié en français, moitié en anglais. Oui. J'ai jamais compris ça. C'est soit Jean H. Kruger ou Jane H. Kruger. C'est comme vous voulez. Un ou l'autre. Choisis ton camp. Choisis ton camp, on est à la guerre en ce moment. Oui. Donc, la plus chère payée modèle ou top modèle de Victoria's Secret est Gisele Bündchen. À un certain moment, elle faisait 5 millions de dollars par année ou presque. Wow! 5 millions, c'est la mieux payée. Je préfère ça comme job. Ben oui. Si tu le veux, tu le peux. Ben oui. You know? Yes, we can, comme dirait Barack. la vitesse maximale à laquelle une sensation érotique passe du cerveau, de la peau, pardon, au cerveau, a été calculée 156 000 à l'heure. Wow! 156 miles in kilometer. 220? 250. Proche. Ouais. C'était proche. quand même, c'est rapide. C'est très rapide. Entre la peau et le cerveau. Voilà pour la première partie de King Sexy Time. On en fait une autre dans quelques instants. J'ai hâte. Mais avant ça, on s'en va entendre Mimi Van Der Glo. OK. Et S'aimer tout croche. Tu croches tantôt? Croche. La barre de chocolat. Oui. Apparemment. Ben oui, ça a l'air. C'est ça. Pétillante dans la bouche. Ou ailleurs. Oh. En attendant l'hiver, s'aimer tout croche et se laisser faire. J'suis en train de casser nos rêves, je le sais. Combien ça fait mal. Ça me fait tellement peur. J'ai peur de tomber dans un temps tenu. Jamais m'arrêter de tourner, de tourner en rond. S'aimer tout croche et se laisser faire, étaler au seuil de la misère. Un soir de première neige. Ça me fait tellement peur. Mimi Van Der Glo, s'aimer encore. De tourner en rond. S'aimer encore, Mimi. Ah oui, encore. Encore, toujours. Tout comme Kinky. Kinky, continue. J'en veux encore. Ça n'arrête pas, c'est juste pour toi, Jean-Philippe. Le sexe dans l'espace. Oui. C'est un autre fétiche que les gens peuvent avoir, c'est le sexe dans l'espace. Ça fait fantasmer bien des gens. Étrangement, moi je ne savais pas avant aujourd'hui. Donc l'activité sexuelle humaine dans l'espace où évidemment on est tous plus légers, c'est un environnement plus extrême, ça a été considéré tabou pendant des décennies. Il y a même des films de pornographie qui ont essayé de rendre ce fantasme réel. En tout cas, ils ont essayé de rendre ça le plus réaliste possible. Donc, c'est le film Uranus Experiment. Uranus. Évidemment. Évidemment. Qui mettait en vedette 20 secondes de Sylvia Saint et Nick Lang qui essaient d'avoir des relations dans l'espace. Le film a été nominé pour un Nebula Award. C'était le plus important film de science-fiction américain, selon le Nebula Award. Wow. Ouais, ouais. J'ai le goût de l'écouter juste pour le scénario. Si tu vas sur YouTube, tu tapes Uranus Experiment, t'enlèves ton Safe Search et on va voir ce que ça donne. Ça fait plaisir. Le chat, tu sais, pas le chapin de non, Noël. Comme on a vu tantôt. C'est probablement la meilleure blague que j'ai vue de ma vie. Moi, que je dis depuis toujours chalut à mon chat, tu sais. Ben oui, c'est très drôle. Tu as trouvé un chat avec une tranche de pain autour de la tête. Puis oui, puis c'est un chapin. Un chapin, ouais. Salut mon ami, mi de pain, t'sais. Oh, wow, wow! Ouais. Donc oui, la chatte femelle va faire des gros cris assez dérangeants. Je n'ai même pas trouvé de son parce que je trouvais que ça allait être trop dérangeant okay. À la radio. Mais les chats ont tendance à crier vraiment très très fort. Pourquoi? Eh bien, c'est que quand le mâle se retire, le mâle, son engin masculin, a des petits pics. Il y en a entre 120 et 150, c'est des penile spines, donc des petits pics sur l'engin, qui mesurent environ 1 mm de long. Donc quand ça se retire, ça, madame, ça fait pas plaisir. Non. 1 mm de long, c'est bien ce que j'ai dit, hein? Oui. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça en trouver un, par exemple. Ah, finalement. En fait, c'est parce que j'avais pas cherché, c'est pour ça que j'avais, c'est pour ça que j'avais dit ça, t'sais. On se comprend, t'sais. Donc, ouais, on va essayer le premier... Je sais pas si ça va être bon, ça. On essaye. Non, il faut essayer des choses. Je pense pas. Je pense pas que ça va être la bonne affaire. On essaye, mais. Pas sûr. Non, je pense pas. Ah non. Non, ouais. Non, non. On dirait ça de la chute. Non. Non. Non. Bon, ouais, on a eu un petit cri de chat. Un petit cri de chat. C'était en masse. Moi, ça fait mon matin pareil. Fait. Ouais. C'est beau, les petits chats. C'était super, hein, ça. Chopin. Chopin? Chopin. Comme l'artiste, là. Ouais. Featuring de Justin Bieber. Sur, oui. Sur Chopin. Ensuite de ça, au Danemark et en Suède, c'est correct d'avoir des relations avec les animaux en autant qu'ils ne soient pas physiquement blessés, qu'ils n'aient pas de douleur à cause de ça. Donc, la zoophilie, on sait, on a parlé souvent, c'est une autre paraphilie avec l'activité sexuelle entre les humains et les animaux qui ne sont pas les humains ou une fixation, donc un trip vraiment là-dessus. C'est pas obligé d'être physique en tant que tel. Donc, même si le sexe avec les animaux n'est pas toujours illégal dans certains pays, c'est quand même pas explicitement encouragé. On va pas dire genre de rien faire. Dans plusieurs pays, la bestialité est illégale sous les lois d'abus des animaux et des crimes contre la nature. Le désir exclusif envers les animaux au lieu des humains est considéré comme une paraphilie encore plus rare. Et il y a des pays que pour qui c'est correct, la zoophilie, le Danemark et la Suède, ils disent que c'est correct d'avoir des relations sans que les animaux soient blessés. Donc, c'est à peu près le résumé de la chose. Mais quand même. Ben quand même. Ça veut pas dire que hein, je me serrais. C'est ça. Fait qu'une paraphilie puis une paraphilie rare. Une paraphilie, c'est déjà rare. Une paraphilie rare, c'est encore plus rare. C'est quasiment un pléonasme. C'est ça, là. C'est un peu bizarre. Ensuite, le son qu'on entend dans les films de porno sont doublés. Ça, est-ce que tu savais ça? C'est pas les vrais sons qui sont enregistrés lors de la relation filmée. Donc, c'est évidemment très, très loin. Même en original? Même, c'est ça? Même en langue originale, non, c'est ça. Il y a wow, des... OK, des ça change pas. C'est intéressant. Ouais. Donc, c'est ça, on se demande souvent comment ça fait que le son fait autant de bruit, comment ça fait que les gens crient autant. Ben, c'est simple, c'est que les sons sont doublés par la suite. Il y a des gens qui sont engagés pour faire la plupart des sons communs dans un studio alors qu'ils regardent le film de porno pour savoir comment les sons sont supposés sonner. Il fallait voir la vidéo sur le lien assemblagerequis.com pour savoir un petit peu comment ils font le doublage d'origine. Je vais aller voir ça tout de suite. Vas-y, vas-y. Ouh! Ouh, oui. Ouais. La première personne à avoir reçu une chirurgie pour changer de sexe, c'était quand, tu crois? Ça fait combien de temps de ça? Ah, là, je suis sûr que tu vas me trouver quelque chose comme dans le temps de l'Égypte ancienne. Non, non, non, c'est quand même récent. Ah, quand même récent? Ben, relativement. Dans le temps de l'Égypte moderne. Dans le temps de l'Égypte moderne. En 1900. Oui. 52. Non, 30, mais proche quand même, j'approuve. C'est Lily Elby qui était possiblement la première personne intersexe et une des premières personnes à avoir reçu une chirurgie pour changer de sexe, pour devenir une femme. C'était en 1930 et est allée en Allemagne pour cette chirurgie-là, qui était expérimentale à l'époque. Une série de 5 opérations sur une période de 2 ans. La première était d'enlever les testicules. Deuxième, c'était d'enlever le pénis en tant que tel. Transplantation d'ovaires qui ont été enlevés à une femme de 26 ans. Et puis ensuite, ça a été enlevé, cette autre... Est-ce que c'était les ovaires ou c'est ça? Pendant la troisième et la quatrième opération, à cause d'un rejet. Ah. Bon, c'est vraiment triste, un rejet. Mais voilà, donc le terme transgenre n'existait pas à l'époque. Eh bien, voilà. Un rejet d'ovaires. Il y a un endroit à Tahiti. Il s'est fait rejeter du revers de la main. Du revers de la main. Ah, c'est drôle. Oui, pas pire. Du pire, revers, hein? De la main. Oui, ouais, du revers. J'aime revers. Ça. Le petit rejeté. Revers. Le petit revers. Et j'ai tout dit. Je pense que c'est ma meilleure de l'année. Oui, je le sais. Je vais le prendre en note, parce que pendant ce temps-là, il faut que je le fasse, fait que je peux pas lire. Attends, okay. Revers de la main, c'est noté. C'est beaucoup trop inside baseball, tout ça. Ouais. Donc, ensuite, il y a une place à Tahiti où le plus vieux fils est élevé comme une fille. OK. Quand même. Tahiti, qui est la plus grande île dans le groupe Windward de la Polynésie française. Donc, ce qui rend Tahiti si unique, c'est entre autres ses traditions culturelles. Il y a une pratique là-bas qui est d'élever le plus vieux fils comme fille et de le traiter comme un troisième sexe qu'on appelle Mahou, qui possède les meilleures qualités des deux genres, donc t'as homme, femme et Mahou. Okay. Chaque village apparemment avait au moins un Mahou parce que c'était bon pour la chance. Les temps ont changé, la pratique a quand même diminué depuis, mais quand même. Puis là, des fois, tu t'en vas au restaurant, puis là, il y a une toilette de fille puis une toilette de gars. Mahou va-t-il? Mahou va... Ah! Oh! Oh! Ouais. Ouais. Bravo. Merci. C'est pas pire. Un matin, là, ouais. C'est l'affaire. Je suis vraiment tôt. Ça doit être ça. Ensuite de ça, quelqu'un est mort après avoir reçu des relations anales de la part d'un cheval. Ah, oh, j'ai vu la vidéo. Si t'as vu, ouais, ben ça c'est justement passé. Je pense que c'est lui, là. D'après moi, oui, parce que c'est quand même une vidéo assez connue. Donc, c'est le Enumclaw Horse Case en 2005. C'est un incident où, dans lequel Kenneth Pinion, un ingénieur de chez Boeing, un Américain qui résidait à Gig Harbor, est mort de ses blessures qu'il a reçues lors d'une relation anale avec un étalon dans une ferme à Washington, ou près de Washington, en tout cas. Donc, c'était en 2005, en juillet 2005, enregistré par un ami sur vidéo. Là, il a souffert d'un côlon perforé. Moi... Et plus tard, il est mort de ses blessures, un côlon perforé. L'histoire a été rapportée par le Seattle Times et est devenue une des nouvelles les plus lues de 2005. Et comme tu as dit, c'est sur Internet la vidéo. Ça doit être bizarre au funérailles. Ouais. C'est un peu malaisant. Un peu? Ouais. Ouais. À moins que la personne ne t'ait pas aimé, puis ben, tu félicites le cheval. Oui! La veuve. Oui! Félicitations! Félicitations à la veuve. Alors, on peut pas rire de ça, mais quand même, tu sais. Moi, j'aurais un gros malaise à aller là. C'est ça. Tu sais, c'est un bon gars. Hein. Mm. Ouais. Un bon Jack. Ben, Jackie. C'est quelqu'un qui voyait toujours trop grand. Ouais. Trop grand. Ouais, ouais. Il éloignait les mouches avec sa queue. Ouais. Là, c'est rendu n'importe quoi, l'analogie avec les chevaux. Ouais. Miracle Park, c'est le dernier. Miracle Park, ne pas confondre avec la mayonnaise simili sur sa salade. Donc, Miracle Park, en Floride, est un village où la moitié de la population est composé de sex offenders, donc des gens qui ont été déclarés coupables d'avoir commis soit des actes ou des trucs de. Ça peut être de la pédophilie, ça peut être des trucs comme ça. Donc, okay. Ça peut être des viols, des agressions. Bon. Donc, Miracle Park est une communauté religieuse en Floride qui est comme la maison, si on veut, ou l'endroit où peuvent aller habiter des sex offenders. C'est écrit par Richard Withrow. Qui est un ministre, ça c'est religieux, là, t'sais, le truc minister, là. Bref, qui travaillait dans une prison depuis 30 ans, et c'était en réponse à des lois assez strictes qui empêchaient les sex offenders d'aller vivre un peu où ils voulaient, donc les lois empêchaient ces gens-là de vivre proche d'écoles, t'sais, où il y a des enfants, etc. Donc ça commençait à être difficile pour eux de trouver un endroit où vivre. Donc lui, il a ouvert ce complexe-là, qui est opéré par Matthew 25 Ministries, qui appartient donc à ce monsieur-là, Richard Withrow. C'est une organisation qui a comme but de fournir des soins aux gens qui sortent de prison. Donc, quand ils sortent de prison, ils peuvent au moins être accueillis, exactement. Donc, sur leur site web, c'est ça, ils vont pas essayer de convertir les pédophiles ou genre de régler leurs problèmes. Ils font juste les laisser vivre, là. Bon. C'est quelque chose, hein? Oui. Miracle Park. Tu imagines, tu te perds, là. Tu es en petite famille. Ouais. Puis là, t'arrives là. Ça me semble que c'est un bon scénario de film d'horreur. Il y a un peu de brume. Ouais. L'auto démarre plus. Ok, j'ai entendu autre chose quand t'as dit je sais pas, en tout cas c'est peut-être juste moi, mais en tout cas. Donc voilà pour King Sexy Time. Mais c'était très drôle. Même si c'était pas ça, c'était très drôle. Non, c'était pas ça. C'était un moteur qui démarre pas. Okay. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On va aller avec notre ami Maxime Tanguay. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Ah, salut Maxime. Salut Danny. C'est rendu notre petite ritournelle, là. Ben oui. J'espère que ça te fâche pas, hein. Hey, j'adore mon intro, moi, pour vrai. Moi, je trouve ça drôle. C'est vraiment génial. Donc, c'est vrai que j'écœure un peu le monde avec mes découvertes, là. Ben, moi, je disais pas ça de même. C'est juste que c'est drôle. Ça fait comme quand t'es kid... Oui, définitivement. Bon, définitivement, mais oui, c'est tout le temps chiant quelqu'un qui en connaît plus que nous, mais bon, ça donne un peu d'humilité. Je suis pas tant chiant que j'aime ça. Je cherche souvent, quand je découvre de quoi qui m'a vraiment marqué, ou tu sais, comme Mutoid Man, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, mais je trouve tout le temps dans une conversation le moyen de le plugger. Ah, c'est correct, j'ai plus d'en parler, puis j'ai malheureusement pas de monde qui... Il y a du monde qui a de la misère à me suivre, parce que je suis tellement comme... éclaté dans mes styles de musique, il faut que je cible les personnes. C'est comme Mutoid Man, je sais que je peux en parler à Lou Etienne, exemple, mais pas à Alexandra à la maison. Moins. Fait que c'est pour ça que des fois, je peux être tannant un peu là-dessus. Donc, merci d'être là encore aujourd'hui. Écoute, merci Maxime, de cette invitation continuelle. Oui. J'adore ça. J'adore de quoi ça. Tu nous parles aujourd'hui? Et écoute, je me suis dit, fin d'année rétrospective, je vais vous partager aussi la première découverte que j'ai faite en 2013. OK. La toute première que j'ai déjà présentée, je crois, Assemblage requis. Parce que ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là. C'est un album... le groupe, c'est The Joy Formidable. OK. Et c'est l'album Wolf's Law, qui est une magnifique pochette. Vraiment belle pochette, oui. C'est leur deuxième album qui a paru... Particulière comme pochette, quand même. Oui. C'est, vraiment. Si on le décrit rapidement, c'est un loup malheureusement mort, avec des fleurs qui ont poussé sur lui et un colibri qui se nourrit de ces dites fleurs. Et c'est très... C'est dessiné. C'est non, très c'est artistique. Magnifique. Et puis le sens est assez fort. C'est, oui. C'est hot, quand c'est, même. C'est j'imagine la vie naît de la mort. Ben oui. Oui, puis ça me fait penser à quelque chose en fin de semaine. Je disais à... Non, ça me dérange. Ça me fait penser à quelque chose en fin de semaine. Je disais à ma blonde, tu sais, parce qu'il y a des maniaques, puis j'en connais, qui sont, tu sais, c'est ben à la mode, végétarien, oui, etc. Et moi, j'étais là, mais tu sais, si tu pousses... Parce que ces gens-là poussent des fois la réflexion assez loin, pour moi, un petit peu trop loin, mais gars, ça reste... Mais je me disais, mais dans le fond, il faudrait pas qu'ils mangent des légumes non plus, parce que souvent, ils vont voir... Et ces légumes-là ont poussé dans la mort d'une chair. D'une chair, oui, et tout à fait, tout à fait. Moi, ça, en tout cas, ça me fait penser un peu à ça. c'est juste ça. Bref, sinon... Wolf's Law, donc, qui est paru début 2013, janvier, si je me souviens bien, qui est vraiment le premier groupe que j'ai découvert en 2013. Et je suis particulièrement tombé en amour avec ce groupe-là parce que, c'est un groupe qui vient du Pays de Galles. OK. Et j'ai une drôle d'affection pour les groupes qui viennent du Pays de Galles. Je ne me l'explique pas, mais j'aime beaucoup le mouvement musical qui vient de cet endroit-là, du Royaume-Uni. Et j'ai particulièrement été surpris parce que c'est une musique qui est très... rock indie, shoegaze. C'est quand même assez dur au niveau du rock. Les guitares sont souvent très distorsionnées. La batterie qui est très intense aussi, qu'on va voir dans le premier extrait que je vais faire jouer tout à l'heure. Mais c'est vraiment ce qui ressort de tout ça, c'est la voix de Rizzy Brian, qui est la chanteuse du groupe. Okay. C'est un trio, donc elle joue la guitare et chante. Et c'est vraiment une voix qui est très mélodieuse, qui est très accrocheur, qui est même à la limite du pop par moment. Okay. C'est vraiment très surprenant. Et il mélange ces deux éléments-là de lourdeur, de donc dureté. Ça fait contraste. Ça fait très contraste. Et ça fait un beau contraste, en fait. Ça fait un beau tout. Et ça, c'est leur deuxième album. Donc, veux pas, en ayant aimé cet album-là, on m'a dit, il est bon. Mais le premier brasse plus. Mais ça, tout le monde dit ça. Hein? Ah, tu connais le deuxième. Moi, justement, je connais le premier. Il était bien meilleur. Effectivement. Mais on m'a pas dit qu'il était bien meilleur, par exemple. Mais faudrait que tu le connaisses. Mais c'est une des rares fois, par exemple, qu'on m'a pas dit que le premier était meilleur. Mais le deuxième est mieux produit et plus développé. Plus budget. Oui, c'est ça. C'est plus d'expérience studio aussi. Oh, ouais. Mais le premier, ce qu'on m'a dit, c'est un feu roulant d'action dans le premier album. Et effectivement, j'ai été étonné. C'est comme le premier Rambo, finalement. Oui, c'est ça. Le premier Rambo est bien meilleur. Oui, oui. Feu roulant d'action. Trois phrases, puis de l'action. Oui, oui, effectivement, ça ressemble à ça. Et... J'aime mes liens. Oui. Et c'est ça. Et plus tard dans l'année, je me suis fait offrir le premier album de Big Roar, qu'il se nomme. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment capoté encore plus que sur le deuxième. Okay. C'est vrai qu'il était meilleur. Il y a cette sorte de brutalité, d'intensité qu'on retrouve moins dans le deuxième, non pas parce qu'ils ne l'ont pas exploité, mais parce que différemment produit, tu sais, ça a l'air moins intense. Ben oui, aussi, il y a une urgence dans un premier album. Oui, c'est ça. T'as plein d'affaires à dire, tu veux tout montrer. Exactement. C'est souvent ça. Oui, exactement. Et la question que je vais te poser, qu'est-ce que c'est que cette pochette-là? Est-ce que je peux la regarder? Regarde-la, parce que je crois avoir interprété la pochette du premier disque. Ils ont vraiment des belles pochettes. Ben, on dirait un genre de kraken qui sort de la mer, là, un genre de créature, mais en même temps qui est végétale aussi, la créature. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est très étrange. Qui a l'air de déverser de l'eau de sa gueule. Oui, exactement. Et puis, eux autres sont sur une île. Là. Ils se cachent de ça. Oui, c'est ça. Ils doivent être sur le Royaume-Uni, puis ils se cachent de ce monstre. Oui, un monstre. Monstre marin. Moi, je pensais que c'était un trémor de l'eau. Je sais pas quoi, mais en tout cas, bref. Mais ça fait ça, là. Un monstre marin, on dirait, en tout cas. Oui, à la limite, en tout cas, c'est particulier. Belle pochette aussi. Belle pochette aussi. Encore au crayon. Oui, exactement. Et c'est vraiment, même le derrière de la pochette, tu sais, on voit les gens cachés derrière une roche qui regardent juste les vagues s'en venir. Bref, très bon groupe, vraiment. On va aller découvrir une chanson du premier album, justement, la sixième pièce, qui m'a vraiment jeté à terre. J'ai capoté ben raide. Wearing, qu'elle s'intitule. Et c'est une chanson quand même de 6 minutes et demie. Parfait. C'est assez long. Et la dernière portion de la chanson, c'est instrumentale et c'est vraiment une chire. Une chire musicale, comme on dit. Partent, ça dérape. Ils partent vraiment, vraiment, ça dérape. Et fait cocasse, le premier son que vous allez entendre, le premier riff que vous allez entendre, a été utilisé en sample dans une chanson de Lonely Island. Et si tu connais bien Lonely Island, non? Parce que je vais laisser les gens à la maison peut-être essayer de le trouver. Okay. Mais je suis vraiment tombé à terre. Ils ont utilisé ce sample-là pour faire une de leurs chansons récentes. Donc, on en reparle au retour. Et on y va avec ça tout de suite. Bye. c'est le fun, hein? Ouais. C'est sale. Ah, c'est sale, c'est crasseux. J'aimerais tellement voir cette chanson-là en spectacle. Là. Ça doit être. Je me garocherais partout. Ah, que c'est bon. Ben, ça va t'arriver à un moment donné. Oui. Ben oui. J'espère. Ben oui. Mais ils viennent pas souvent. Il y a beaucoup de bennes en Angleterre qui viennent jamais en Amérique. Ça doit coûter cher. Oui, puis le côté permis de travail, etc. Ah, oui. Ben, d'après moi, je sais pas. Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est pas facile tant que ça de travailler là-bas. OK, ça se peut. J'ai pas les connaissances là-dessus. Ben, faut vraiment qu'ils sont très, très chauvins de leurs emplois. Ah ouais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu passes un soir puis c'est fini. Oui, je sais. Mais bon. Ah, en tout cas. Écoute, les gars, comme moi, je tripe casébienne, OK? Oui, ben oui. Ils sont jamais venus au Canada, je pense. Ben voyons, non. Ouais. C'est anglais d'Angleterre, je disais. En tout cas, s'il y a du monde qu'ils ont vu, dites-moi que je l'ai manqué parce que j'ai cherché, puis ça fait longtemps que je check le site, puis il n'y a jamais de date. Même aux États-Unis, ils sont presque jamais venus. Ah ouais. T'as pas vu le phénomène des Beatles? Je sais pas. Ouais, exact, je sais pas. Ah. Pourtant, moi aussi, j'aime bien les bands anglais. Ouais, c'est ça. Mais ils savent. Ils savent. Ils savent comment ça marche. Ouais, ils savent c'est quoi. Le pire, c'est qu'il y a deux groupes. Vraiment, il y a ça du Pays de Galles que je veux voir absolument. Et il y a Future of the Left que je crois non plus ne viennent pas vraiment, malheureusement. Il faudra que ce soit nous qui se déplacent. Ben oui, c'est ça. C'est plate, hein, les vacances forcées pour aller voir notre groupe. Ah, que ça serait plate. Hein? Donc, t'as mentionné un nom quand t'as entendu la voix de Rizzi. Oui. Qui était Matrix. Ouais, C'est le genre de pattern de voix un peu justement très. Indie très pop. Mélodique, oui, c'est ça. Sexy un peu. À la limite, effectivement. Puis c'est très bien dit. Puis ça vient contraster justement avec la sorte de lourdeur. Puis tu sais, ça sonne gros. Je sais pas comment le dire, mais c'est puissant comme son. T'sais. Quand le refrain part, c'est la guitare dans le fond, la batterie dans le fond, la bass dans le fond, même un petit synthétiseur qui vient appuyer en arrière. Fait que c'est vraiment... ça pète. Ça pète, c'est bon. C'est vraiment excellent. Et le sample a été utilisé dans la chanson... attends, c'est... Je lance le défi, genre. Spring Break Anthem. OK. De Lonely Island qui apparaît sur leur dernier disque. Toujours très comique. Très vulgaire, mais très comique. Et là, je vais vous présenter, dans le fond, c'est ça, rapidement, Wolf's Law, le deuxième album qui est sorti 2 ans après The Big Roar, qui est donc sorti en janvier 2013. Et c'est un album, justement, où on va retrouver pas mal les mêmes éléments, la même recette, mais on va essayer plus de choses. Exemple, on a Silent Treatment, qui est une chanson acoustique très, très silencieuse, qui n'est pas nécessairement sur le premier. Niveau du son, c'est beaucoup plus travaillé comme son. On dirait que la puissance est moins là. Ben, la puissance est là, mais pas pareil. Un peu édulcoré par le studio professionnel. Exactement. Ouais. C'est exactement le bon terme. Et pour vous faire entendre ça, j'ai pris une chanson qui est pas qui est assez similaire à leur catalogue habituel, mais qu'on voit justement le travail, la production qui est très différente sur le nouvel album. C'est la première chanson qui ouvre l'album This Ladder is Ours. C'est pas facile. C'est quand même une longue introduction assez silencieuse, assez tranquille. Mais vous allez voir, quand ça explose, on voit tout de suite le travail qui est très différent, le son qui est... Je t'envoie de ça? Mais hein, tu m'envoies ça. Yeah, pogne-la. Alors, c'était Joy Formidable, si vous avez aimé ça. Donc, ça, c'était la chanson This Ladder Is Ours, alors que j'échappe la pochette un peu partout. du deuxième album, Wolf's Law, qui est sorti au début de l'année, en janvier, fin janvier de 2013. Donc, petit groupe, voilà, du Pays de Galles. Très efficace. Vraiment. Vraiment, c'est étonnant. Puis, écoute. Hey, mon don, on voit la petite fille en arrière. On voyait oui, comme à travers. C'est une jolie demoiselle. Comme ça, c'est parce qu'on voyait comme à travers, tu sais. Ah, ben oui. J'étais là, hein? Ah, c'est, oui, c'est une jolie mademoiselle. Ben, c'est pour ça. Encore là, elle nous fait penser à Emily Haynes. Emily Haynes. Mais tu vois, moi, l'autre comparatif que j'avais trouvé avant que tu m'amènes Matrix, oui, qui est très logique, c'était The Cranberries. Oui. Un peu dans le même genre de. Mm-hmm. Pas, mais tu sais, même style de chanteuse qui va être frontman, un rock assez dur, assez intense, même oh, lourd oui, un peu par moment. Puis tout. Ça faisait beaucoup penser à ça. Fait que c'est probablement une sorte de réincarnation. Puis Cranberries viennent d'Irlande, si je me souviens bien. Fait qu'on dirait que c'est un mouvement qui vient pas mal de. Ben oui, mais les Zombies, c'est sur c'est une chanson écrite sur une crise qu'il y a eu en Irlande. Oui. Sur leur pays. La fameuse Zombies. Moi, j'ai écouté un peu, mais à un moment donné, j'étais plus capable d'en écouter. Okay. Il y en avait trop autour de moi, puis non, ça m'a fait. J'étais plus avec les Cranberries, puis après, j'ai réécouté, puis c'était un excellent album. C'est un méchant bon groupe. Une fois qu'on ouais, a sorti vrai, cette chanson-là, une fois qu'on écoute les autres autour, ouais, on réalise ça, que c'est un maudit bon. Mais la chanson est bonne, là. La chanson en mais, je veux dire, Colin, c'est excellent ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis je trouve personnellement que ça joue un peu dans les cordes de Joy Formidable joue dans les cordes un peu de. Les Cranberries. Hey, Maxime! Merci beaucoup. Merci à toi, Danny. Merci pour la session que tu es venu nous voir avec tes découvertes. C'était un c'est grand des, plaisir. Des trucs que j'ai bien aimé en passant durant la. Excellent. Ouais, j'essaie d'être le plus varié possible là, dans mes. Ben, tu sais, moi, je suis pas très violent. Fait que des fois, les trucs un peu trop rough, je suis un peu doux. Que non, oui, c'est vrai. Mon petit côté lover, ça. Oui, mais, t'es entendre. Mais non, j'aime bien. Moi, j'aime ça quand c'est un peu différent, psychédélique. Mais ça, c'est pas psychédélique là, autant, mais ça me touche parce que j'aime aussi la pop. J'ai aucun problème quand c'est de la bonne. Non, quand c'est bien quand fait. C'est bien fait. Claude Pelgag est en exactement, un exemple. Exactement, ça en est un exemple. Effectivement. On va même se quitter avec Claude, je pense, dans quelques instants. On va se la préparer. J'espérais bien parce que c'était généralement Claude Pelgag qui fermait ma. Ben oui, mais c'est ce qu'on va faire. Je vais te redonner ton bel album. On bien le mettra sûr, pas là, pas le graffinier. Et puis, tu vas peut-être nous revoir. Oui, dans la session prochaine. Tout à fait. Je ne sais pas quelle plage horaire parfait, exactement, mais je vais être là, c'est sûr et certain. Ben, tu sais où est le studio. Tu connais mes fait, heures de diffusion. Fait que je cogne à la porte. Je dis « Salut, Danny, j'ai de quoi pour toi. » Exactement. Excellent. On va se dire à l'année prochaine, Max. À l'année prochaine. Bonne année aussi à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta présence. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Squeeze, on attend depuis si longtemps. On le fait vraiment pas assez souvent. On le fait, c'est la deuxième fois cette session-ci. Ben oui, mais quand même. C'est quoi le dernier thème? Les films d'horreur. D'accord. Ben en voici un autre. Le Cheese Quiz. Cheese Quiz donne ta personnalité. Personnalité. Il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos et tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Fait avec du vrai cheddar canadien. Vrai cheddar canadien. Si succulent sous la dent. Cheese Quiz donne ta personnalité. Personnalité. Fait avec du vrai cheddar canadien. Bon. Donne la personnalité. Deux chansons chantées par Stéphanie et moi. Génial. Bienvenue au Cheese Quiz, tout le monde. Nos participants aujourd'hui, Justine Renaud. Ouais! Alex Pichessir. Yeah! Chantre de Rioux. Hello, bonjour. Et Danny Janvier. Yeah! Et voici votre animatrice, Stéphanie Parra. Une split. Banana split, peut-être? Oh. OK, ça va faire... bienvenue au Cheese Quiz, tout le monde. C'est déjà la remise des buzzers. On commence ça comme ça. Donc, je pense, Justine, tu as une demande spéciale pour oui, le canard cuisinier. Danny s'est fait voler son buzzer. Danny prend ça d'habitude. C'est bien. Je pense que je vais donner les clochettes à Alex pour un petit rappel merci, pour les précieuses. Ça a de la classe. Oh oui. Toujours. Ensuite, je pense qu'on a un sportif. Hein. Je vais te donner la petite clochette de vélo à Charles-Antoine. Elle est dure à concept, hein? Sportif. Ouais,

qui offre un arôme complexe de fruits, d'alcool et de houblon. En bouche, elle est légère, sucrée et liquoreuse. Ah, légère, non, légèrement sucrée et liquoreuse. Quand même assez sucrée. Une pointe de caramel brûlé aussi vient s'ajouter. Elle est aussi très amère et présente un profil d'arôme et de saveur pouvant rappeler les fruits rouges. Donc, le côté sucré est un peu coupé par l'amertume. En étalement, le houblon s'exprime sans complexe et laisse sa trace de façon durable. La solstice d'hiver n'est brassée qu'une fois par année et est vieillie quelques mois dans nos entrepôts avant d'être mise en vente au début décembre. Les ingrédients sont l'eau, l'orge maltée, le sucre, le blé, le houblon ainsi que la levure. Cette bière, on peut la déguster en bouteille au format de 341 ml. Mais l'intéressant, oui, on peut l'avoir ici, bien sûr, à la barrique. Mais l'intéressant, moi, je vous dis, pour la fête, pour les fêtes, là, ce qui peut être intéressant, d'aller en boire une là-bas, directement sur la rue Laurier, oui, au 29 Laurier Ouest. Je ne savais pas l'adresse, mais je savais que c'était sur la rue Laurier à Montréal. Sinon, peut-être, si vous ne tentez pas de vous rendre à Montréal puis subir le foutu trafic, hein, on est-tu écœuré de ça? Eh bien, on se rend à Saint-Jérôme sur la rue de Villemur. Sur ce, eh bien, on va arrêter de parler puis de blablater. On va passer aux choses sérieuses. On va s'ouvrir cette bière. La seule chose qui me déçoit aujourd'hui, c'est que à la Chasse-Galerie, eh bien, en arrière de nous, parce que nos studios, si vous le savez pas, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, sont situés tout près. Mais on est adjacent, notre dos, on est adjacent à la Chasse-Galerie. Et puis, c'est le fun parce que je peux avoir des beaux verres de dégustation à chaque semaine. Mais aujourd'hui, eh bien, on est à peu près seul dans le pavillon. Alors, ben, je vais me contenter de ma tasse que j'ai lavée toute propre, qui s'apprête à recevoir ma bière. Mais je ne pourrais pas bien vous parler de la couleur de la bière. Je pourrais pas vous parler aussi non plus bien du collet. Par contre, on va faire comme à l'habitude. On va aller regarder ce que les amis sur ratebeer.com nous ont parlé de cette bière. Une bière vraiment très, très bien cotée, surtout... en overall, je crois, elle a 98. Tantôt, je vais aller voir, là, je vais vous vérifier ça. Mais overall, 98. Et selon le style, 91 ou 92. Quand même une bière bien stable et bien appréciée. Donc, on s'en va tout de suite ouvrir cette bière. Je baisse la trame. Oui, on va écouter un peu de poésie. Ah, oh, ça sent le temps des fêtes, ça, tout à fait. Le sucre d'orge, le barley wine, comme on aime. On remonte la petite trame tranquillement et on va se couler cette bière dans un verre qui n'est tout à fait pas approprié pour... Mais bon, on fait avec... si je regarde le liquide doré qui s'écoule dans ma tasse, hein, ben oui, je le bois dans une tasse comme un pauvre... Eh bien, comme j'ai dit tantôt, elle est ambrée. Elle n'est pas rougeâtre. Je la trouve pas très rougeâtre, mais bon, j'ai un mauvais verre de dégustation en ce moment. Donc, on va la laisser se reposer un petit peu. 2 secondes. Et on goûte. Très bonne. Plus amère que dans mon souvenir, parce que ça doit faire au moins un an ou deux. Ça doit être l'année passée, la dernière fois que j'en avais bu. Quand même amère dans mon... plus amère que dans mon souvenir. Dans mon souvenir, c'était que du rond. Non, très bien équilibré. Parce que ces temps-ci, les bières trop sucrées, des fois, j'en ai un petit peu de misère, parce que c'est quand même plus... C'est pesant, c'est plus bourratif. Hein. Cette bière-là est... très, très bonne, sauf que j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui, alors je vais laisser un peu descendre cette bière, ce barley wine. Hein, barley wine, c'est parce que justement, on y met de l'orge dedans, les amis. Orge maltée. Donc, un vin d'orge. Je vous dirais très amer même, un côté herbeux, herbacé. La couleur, comme je l'ai dit tantôt, je peux pas beaucoup vous en parler. La mousse, par contre, un beau collet, colle. Pas très, très pétillante, mais quand même là, c'est pas une bière flat, loin de là. Collet qui toffe. des micro-bulles qui montrent la qualité du produit. Et ben, la couleur dans mon verre, c'est brun. C'est triste à dire, mais c'est ça. Brun, je dirais brun ambré, hein? Doré un peu. On va s'envoyer une autre gorgée, après on va aller voir ce que les gens de chez Red Beer nous en pensent de cette bière. Oui, déjà la deuxième, deuxième gorgée, c'est mieux. On va même s'envoyer une petite troisième. Ouais, si on goûte, première affaire, moi j'ai le côté très herbeux, le côté très sucré aussi. Quand ils disent légèrement sucré, non, elle est bien sucrée, mais totalement équilibrée avec le côté amer et le côté herbacé. Moi, personnellement, elle goûte pas, je trouve, comme les certains autres brassins qu'il y a eu chez la Solstice d'hiver. Mais bon, on va arrêter de parler tout seul. On va aller parler avec les gens sur ratebeer.com. On va en prendre un qu'on cite très, très souvent ici même à l'émission. C'est Viper 666 de Montréal... Québec, Canada, pardon. Il nous dit « Déguster en fût sur place à Montréal de couleur brune foncée et claire. » OK. Donc, j'ai raison quand je dis qu'elle est brune, foncée et claire. Un nez de malt sucré du genre caramel avec des notes de toffee. Caramel, oui. Sucre brun et mélasse, oui, tout à fait. Léger de fruits. J'ai un peu de misère. Moi, présentement, je le sens pas beaucoup. Le fruit et les pommes, pas tant que ça. Des notes d'alcool doux et de houblon herbeux. Tout à fait. Alcool, on sent le goût de l'alcool, parce que quand même une bière qui est à 10,2% d'alcool par volume, hein, quand même assez. C'est très là, sans être désagréable, justement, par l'équilibre. Il nous dit « ronde en bouche, avec un pétillement moyen doux et une texture à la fois liquoreuse et légèrement huileuse ». Ronde en bouche, oui, pétillement doux moyen, un peu comme je vous ai dit tantôt par rapport à la mousse, oui, il est à la bonne place. Il y en a quand même décrite 2763. Il dit le goût légèrement fruité et sucré des petits fruits foncés, les notes de prune et de pomme. Peut-être une petite note de prune et de très faibles notes épicées de mélasse lors de l'entrée en bouche. Mélasse, moi je l'ai dit tantôt, je sens beaucoup plus la mélasse que les fruits. Mais tu sais, les goûts, hein, en plus, en ce moment, j'ai un rhume, vous le sentez. Tu sais, je suis pas le top goûteur en ce moment. Ça, c'est officiel. Il nous dit, l'entrée en bouche, oui, suivi d'un goût assez sucré de caramel et de notes de toffee rôti, de sucre brun et de faibles traces de chocolat noir. Moi, je vous dirais, même avant le toffee, même avant le caramel... Moi, j'ai le côté chocolat noir. Je l'avais pas découvert, et puis je le lis là. Et moi, je trouve que c'est plus chocolat noir que fruité, et même que caramel. D'habitude, je trouve que c'est chocolat noir, mais vraiment un chocolat à au moins 80%. Là, un chocolat qui est amer, justement. Le côté amer, il est là aussi. Là. On y retrouve un léger goût moyen d'amer d'alcool. Et des notes vineuses et réchauffantes et du houblon herbeux aux notes florales et résineuses. Ça, c'est très, très vrai. Et ainsi que de notes, légères notes poivrées. Sérieux, il la décrit vraiment très, très bien, ce que je suis en train de boire. Il le décrit très, très bien, sauf le côté fruit. Moi, personnellement, c'est peut-être mon rhume, là, mais je ne sens pas les fruits en ce moment. À part peut-être les prunes. Mais là, plus elle se réchauffe en ce moment, et plus... La complexité des saveurs explose dans ma bouche. Et puis, pour vrai, à chaque gorgée, je pourrais refaire une autre critique ou presque. Donc, c'est pour ça que je vais en prendre une autre. Non, mais c'est réel. Je sens beaucoup plus le caramel que tantôt. La chaleur de la bière qui s'est mise un peu plus à la température pièce fait sortir ces flavours-là. J'aime ça dire ça, flavour. Donc, la dernière phrase, j'aime bien, le post-goût, long et légèrement sec, et très légèrement sec. OK, oui. Moyennement amer d'alcool doux. Moi, je vous dis, même le post-goût est assez amer. Je dirais un petit peu plus que moyennement amer, léger houblon, herbeux. Ça, c'est tout à fait vrai. Note résineuse, tout à fait résineux. Oui, il y a un goût résineux là-dedans. les notes fruitées ainsi qu'un résiduel de malt sucré. On te remercie, Viper666, parce que tu as très, très bien décrit cette bière. Et j'espère que je vous ai invité à aller en chercher de cette bière du Dieu du ciel. On va la chercher où? 41-70, boulevard des Forges à Trois-Rivières. On va s'envoyer quelques autres petites critiques si la page peut arriver. Allô, allô, t'es-tu là? Il veut pas, hein? On essaie de ça de même. On va faire un copier-coller. Bon, là, il veut. Il a décidé qu'il voulait. On va parler ici de Danderman. J'ai jamais lu de ses critiques, pardon. On s'en va comme ça. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Olfactif, caramel, crème brûlée, fruits confits et alcool. Crème brûlée, attends un peu. Crème brûlée, je ne l'ai pas. Caramel, oui. Fruits confits, les prunes, tantôt je disais ça, oui, peut-être. Du genre, alcool également, petits fruits sauvages et réglisse rouge. Réglisse rouge, on exagère, manque cependant de puissance, qu'il dit. Visuel, elle est brune, légèrement floue. Moi, la mienne semble claire, pas très, très floue, mais là, j'ai un verre vraiment pas dédié à cette bière. Elle développe une petite mousse éphémère, légèrement crémeuse. Exactement, ça ressemble à un petit café noir avec une petite broue par-dessus. Très, très belle. On sent la chaleur. Là, je la sens tranquillement. Là, ma gorge est remplie de chaleur. Elle dévote une mousse légèrement crémeuse, donc avec une petite effervescence. Exactement ce que j'avais dit. Aucune dentelle. Non, moi, j'en ai une super belle dentelle dans mon verre. Ça, on n'est pas à la même place du tout. Il dit gustatif. Eh bien, l'attaque n'arrive pas à imposer les accents de caramel. Ça, par contre, je suis d'accord. Je sens plus l'amertume un petit peu et le côté, oui, rond et sucré, le côté herbeux. Et pas tant de caramel. Il y en a, mais pas tant. Ce sont plus les houblons qui s'imposent en finale de façon sèche et assez âcre. Oui, moi, sérieusement, c'est un peu plus vers ça que j'ai. Faut le dire qu'il l'a dégusté. Aïe, c'est quand même hot, là. Elle a été décrite, cette bière-là, le 17 décembre. Donc, ça fait deux jours que... Fait que c'est la même batch que moi. Je trouve qu'il l'a, pour vrai, il l'a vraiment. Les notes principales sont du poivre, du cèdre, du houblon herbacé. C'est exactement ça. Vraiment, là, une bière... Si vous aimez les bières fortes, les bières d'hiver, mais que vous aimez pas, ou en tout cas, vous avez plus de misère avec le côté sucré trop rond, là... Eh bien, cette bière-là, elle est ronde quand même, mais il y a un équilibre vraiment parfait. On voit que c'est le Dieu du ciel, hein, les dieux du ciel qui l'ont préparé. On nous dit en bouche, elle est bien ronde, mais la finale est imposante en houblon. Un peu déçu, j'aurais préféré un grand développement des sucres de malt et un plus grand équilibre malt-houblon. Je suis d'accord en partie avec lui, mais c'est qu'en ce moment, moi, ça me fait du bien de prendre une bière comme ça, mais avant, j'aurais voulu... Puis quand on s'attend à un barley wine, on s'attend peut-être de quoi? Quelque chose d'un peu plus rond, un peu plus caramélisé. Moi, je trouve que c'est ce qui manque à cette bière en ce moment. Elle l'est beaucoup, mais c'est comme souvent, c'est la caractéristique d'un barley wine, c'est qu'il est très, très facile. Moi, je trouve très facile à boire, très goûteux, très sucré, très rond, mais c'est pour ça que... En tout cas, celle-là, je l'aime. Et puis, en ce moment, je l'aime plus que les bières que je vous dis. Mais pour le style, c'est pour ça qu'on peut comprendre. L'overall est à 91. L'overall est à 98 parce que c'est une bière qui est parfaite. Mais dans le style à 91, on peut comprendre les notes qu'elle a perdues, là, les 9 points qu'elle a perdus. On peut le comprendre très, très facilement parce qu'il y a un petit côté qui manque à ça. Il manque le côté, justement, sucre d'orge, tir d'érable. Il manque un peu, à mon avis, tout simplement. Mais l'autre ici, Rick the Rick, qui en a critiqué 36, et lui, il dit que le sucre d'orge et la tire d'érable viennent en tête lorsqu'on respire à fond ce vin d'orge déliquescent. Moi, je trouve qu'il manque. Mais lui, peut-être qu'il y avait la batch d'avant, parce qu'il en a parlé. Il a critiqué cette bière le 25 novembre 2013. La nouvelle batch, celle que je suis en train de boire, n'était pas encore prête. C'était des batchs de l'an dernier. Alors, on peut comprendre. Il dit d'un brun caramel et d'une intense opacité. Justement, c'est pas ça. Moi, elle n'est pas d'une intense opacité. La solstice d'hiver est très maltée, surtout très sucrée en bouche, mais son taux élevé d'alcool se fait plutôt discret.